en 1494. À la mort de Ferdinand, le roi de Naples, Charles VIII pénètre en Italie et prend le titre de roi de Naples. C'est le commencement de la première guerre d'Italie, qui va durer 3 années. Avant que ce Charles entre en Italie, à main armée, pour conquérir le royaume de Naples, et durant cette guerre qui ébranla longtemps l'Italie, l'historien Guicciardini déclara qu'on entendit dans les airs les sons de trompettes et de tambours, et que ce bruit devint commun en Italie. Durant 3 nuits, l'âme du roi Ferdinand apparut, par douces paroles d'abord, puis par des menaces, au chirurgien de la cour et chef barbier nommé Jacques. Il l'enjoint de dire en son nom, à son successeur Alphonse, de ne pas espérer pouvoir résister au roi de France, parce que c'était chose ordonnée de Dieu, et que sa famille serait entièrement exterminée par divers accidents, et enfin, privée du royaume. La cause de la colère de Dieu venait premièrement parce que Ferdinand avait beaucoup oppressé le peuple, par des tributs, des tailles, des creusets, et des impositions extraordinaires, qu'il avait perpétré d'énormes vilains cas, et fait mourir les plus grands de son royaume. Ce dernier point, son fils Alphonse ne pouvait l'ignorer, quand dans l'église de Saint-Léonard, à Chiaia près de Naples, il avait conseillé son père de se défaire des plus grands. Ces informations donnèrent à Alphonse une telle peur, qu'à la venue de Charles, 8e roi de France, il abandonna son royaume. Au 6e siècle, après la mort de Cataldo, l'évêque de Tarente en Italie, on raconte que l'évêque se montrait en vision, au 16e siècle, à un jeune de Tarente, le chargeant de creuser à un endroit, pour déterrer un livre qu'il avait écrit de sa main, et qu'aussitôt qu'il aura trouvé ce livre, de le faire parvenir à Ferdinand, le roi d'Aragon et de Naples, qui régnait alors. Le jeune homme ne donna pas foi à cette vision, bien que Cataldo lui était réapparu quasi tous les jours, l'obligeant à faire ce qu'il lui avait dit. Un matin avant le lever du jour, alors en prière, le jeune homme aperçut Cataldo, vêtu de l'habit d'évêque, qui lui dit dans une sévère contenance, « Parce que tu n'as pas considération de prendre le livre que je t'ai indiqué, et le transmettre au roi Ferdinand, une fois pour toutes, sois assuré que si tu n'exécutes pas ce que je t'ai commandé, il t'en adviendra mal. » Intimidé, le jeune parla de sa vision, et le peuple, ému, se rassembla, et se joint avec lui à l'endroit indiqué. On creusa la terre, et on trouva un petit coffre de plomb, si bien clos que l'air n'y pénétrait pas, et au fond du coffre, le livre de toutes les misères, qui devait arriver dans le royaume de Naples, au roi Ferdinand, et à ses enfants, écrite sous forme de prophétie, qui allait s'accomplir. Ferdinand serait tué au premier conflit. À peine sur le trône, son fils Alphonse serait mis en déroute par ses ennemis, et mourrait exilé. Ferdinand, le cadet, périrait à la fleur de son âge, misérablement accablé par les guerres. Et le petit-fils du défunt Ferdinand, Frédéric, verrait son pays brûlé, saccagé et ruiné.